Je plombe aujourd'hui à Assemblage Requis. On découvre de la nouvelle musique avec le blog Télécharge quoi de Maxime Lemuller-Amin. Et on reçoit notre tout nouveau correspondant Drummondvillois. Drummondvillois? Assemblage Requis tout de suite! Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios 6x à Trois-Rivières et mon nom est Mathieu Plante. Eh bien, salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Oui, belle fête de semaine qu'on a passée ensemble. Ben oui, dans un chalet dans les Laurentides. Non, pas exactement par contre. Plutôt à un spectacle qu'on est allé voir ensemble, mais Monarque, on en parlera tantôt. Donc je dirais pas qu'on a tout à fait passé la fin de semaine ensemble, mais bon, si t'insistes. Dans mes souvenirs, c'est comme si. Aujourd'hui, on va avoir Maxime Lemuller-Amin qui va venir nous parler de nouveautés musicales, de découvertes qu'il a faites sur les internets, les nombreux internets. Donc, ça, c'est sa chronique Télécharge quoi. Oui, il va nous parler entre autres aujourd'hui de Broken Social Scene et de deux autres groupes. Que j'ai pas sous les yeux présentement, malheureusement. C'est beau ça. Nouvelle chronique aussi d'un correspondant Drummondvillois. Ben oui, c'est ça, on n'arrête pas de dire le correspondant Drummondvillois. Je ne sais pas si on l'a déjà expliqué en ondes, parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on vous agace avec ça. Mais il n'y avait pas une voix flouée et on l'appelait pas Monsieur Pinouche. Non, c'est ça, on va révéler sa vraie identité tantôt. En fait, je peux même vous le dire tout de suite, c'est Alex qui est connu ici à C'est fou sous le nom de Lutin D. Avec leur émission, l'émission des lutins, l'émission que tous les lutins s'intonisent tous les vendredis soirs ici à C'est fou, l'émission Les lutins de l'enfer. Donc, Alex qui va sortir un peu de sa zone de confort, qui est le métal scandinave. C'est très spécifique, celui d'habitude. Oui, quand même, d'habitude, leur émission est assez spécifique. Puis là, ben, aujourd'hui, il va sortir un peu de ça. Il va nous présenter des vieux trucs sortis des Boulamites. Et qu'en même temps, qui n'ont aucun rapport avec la musique qu'on pourrait penser qu'ils aiment généralement. Ça sort du standard normal et tout à fait average. Exactement. Donc bon. Ça, on va recevoir par téléphone, ça, Alex, vu qu'il habite à Drummondville. On va recevoir par téléphone dans environ une heure, ça, au début de la deuxième heure. Donc, manquez pas ça. J'ai très hâte d'entendre ça. On va aussi faire le top 6 des choses inventées ou découvertes par accident, tantôt. Donc, soyez-y. Mais on commence en musique, comme on le fait toujours ici à Assemblage Requis. On va écouter un extrait du palmarès francophone. Oui, c'est une nouvelle entrée de la semaine dernière sur le palmarès franco. C'est le Sabot Trio. On va écouter la pièce Jenny Girl à Assemblage Requis. Jenny Girl se commande à Martini avec une zeste. apparemment que c'est maintenant. Alors, on vient d'entendre OK Go et la pièce WTF, c'était précédé du Sabot Trio qui est sur le palmarès francophone avec Jenny Girl. Oui, et dans quelques minutes, Mathieu, on reçoit Maxime qui va être là pour sa chronique Télécharge quoi. Aujourd'hui, il parle de si les informations sont toujours exactes, Qualité Hôtel, Broken Social Scene et l'autre groupe, c'est quoi? Wolf People. Wolf People. Et voilà. Wow. Ça va être les filles de Twilight qui vont bien aimer ça. C'est ça. Et les fans c'est de loups. Les fans de loups vont être heureux aussi. Ben, toi, t'es un fan de loups, je pense. Apparemment. C'est louche. C'est louche. Mais là, est-ce qu'on fait une, je sais pas, on une pièce avant de recevoir Maxime? Oui, c'est hein? Ça. Okay. Ouais, je suis pas prêt. OK. Je suis pas prêt encore. Préliminaire, s'il vous plaît. Feel it all the time. When she preys upon your mind, she's a fiend for love, and that's all. Body's shaking all the time. The way we feel that old red wine, it's a squeeze, and you feel it. Living another day in someone else's fantasy. C'est la pièce Marching Through Your Head. C'est entre autres sur leur nouveau CD Chaos. Sort demain. Oui, vous êtes toujours Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Oui, on accueille Maxime tout de suite pour sa chronique télécharge quoi. Salut Maxime. Salut. T'attendais le moment. Ouais. Hey, Kiwan, comment ça pour mettre ta tuque avec tes écouteurs? C'est une casquette en fait, la sienne. C'est pour ça. Ah, mais des fois, tu mets ta tuque aussi. Ouais. Ouais, donc je mets vraiment mes écouteurs par-dessus, par-dessus ma tuque. Tout. Ouais. Faut que tu mettes le son un petit peu plus fort. J'ai enlevé ma tuque. Ouais. T'as enlevé ta tuque pareil comme les machins enlèvent leurs sous-vêtements, c'est genre comme chou. En fait, je pense pas qu'ils font ça vraiment, les machins. Alors, c'est ça. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de Qualité Motel. C'est dans le fond projet parallèle de Mister Valère. C'est souvent en spectacle. C'est comme un DJ set un peu. Il arrive avec... Il n'y a pas d'instrument. C'est juste du DJ. Alors, c'est très... C'est encore plus électro. C'est encore plus... pas instrumental, mais vraiment DJ électro, là. Et puis, pendant que je parle de Qualité Motel, vu que c'est les cinq mêmes gars qui sont dans Mister Valère... Mister Valère, bon, va sortir un album au mois de mai. Et puis, on peut le pré-acheter, c'est ça? Dans le fond, il y a une pré-vente. Puis, sur MySpace, en tout cas, il y a pas mal tous les détails. Dans le fond, tu peux l'acheter tout de suite. Puis, eux, avec cet argent-là, je pense qu'ils font la prod ou le Master Rising, je sais pas trop. Alors, c'est possible tout de suite de commander l'album. Puis, il y a comme... plusieurs package deals, si je peux me permettre, là, exemple... Emballage cadeau. Ouais. Je sais pas. package deal, emballage cadeau. Non, mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que tu peux recevoir juste les fichiers MP3, le CD plus les fichiers MP3 ou, je pense, un vinyle plus fichier MP3. Il y a un petit teaser de l'album, mais je pense que Il apparaît pas. Non, il apparaît pas. En tout cas, si vous voulez aller voir sur mrvaleur.com, non. mv.mu. Ouais, mv.mu, il y a tous les détails. Et puis, vous allez pouvoir voir le teaser sur leur MySpace. Nous, on va écouter Qualité Motel, comme je le disais. Je sais qu'il était pendant Oshiaga, il était en spectacle, mais je pense que c'est de temps en temps, il y a des spectacles. La pièce s'appelle... vas-y, Mathieu. Motel Engineer. Motel Engineer, c'est Qualité Motel. À télécharge quoi? Avec Mathieu Kiwan d'Assemblage Reiki. C'était Qualité Motel. Ça me faisait penser un peu ça, à Metagruo. Quelques pièces de Metagruo, dont Super Bowl qu'on avait reçu en démo. Puis c'est pour ça que je te parlais des Francouvertes. Savoir qu'est-ce qui se passait avec Metagruo aux Francouvertes. C'est un des seuls bands que je connais. Ouais, Metagruo, ouais, ils ont passé, je pense, le premier soir des préliminaires. Ils sont présentement classé 4e sur 6. Comment ça fonctionne, les classements? Ben, en fait, à chaque... il y a une partie du vote qui est décidée par un jury et une partie par le public. Et puis, c'est un système de pointage, okay. Vraiment. Puis, après chaque semaine, où il y a 3 groupes par semaine, donc après chaque semaine, il y a un nouveau palmarès qui est établi, donc avec les nouvelles entrées des 3 derniers participants. Puis à la fin, c'est les 9 premiers, je crois, qui participent à la demi-finale. OK. Les 9 premiers, c'est ça. 9 premiers demi-finale, puis ensuite, la finale, c'est comme les 3 ou 4 meilleurs. Puis il y a combien d'artistes présentement? C'est 21, je crois, en tout, qui va avoir. C'est 7 semaines de ronde préliminaire à 3 par semaine, donc ça fait 21. Ouais. Ah bon, ben cool. Alors, passons... Non, mais c'était très bon, le groupe qu'on vient d'entendre, Qualité Motel. Ouais. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr que moi, en tout cas, Mr. Valeur, je trouve que c'est un des bands, surtout live à voir, un des bands québécois live à voir. Puis dans le style électro, si vous aimez, ben c'est la crème au Québec. Juste visuellement, c'est impressionnant à voir en spectacle. Ouais, ils sont intenses. Ouais, c'est ça, ils sont partout, puis ils sont cool. Là, c'est vraiment bon. Moi, en tout cas, j'adore ça. Puis un autre band que j'adore, mais qui n'a pas en tout rapport avec nous, le Québec. Mais c'est Broken Social Scene. C'est un des premiers groupes que j'ai découvert d'indie rock. Fait que je te dirais que ça fait peut-être 5 ans que je suis Broken Social Scene. Et puis, cette semaine, j'ai vu qu'ils annonçaient leur prochain album qui sort le 4 mai prochain. L'album va s'intituler Forgiveness Rock Record. Et puis, il y a une pièce de disponible sur leur MySpace. On peut la télécharger aussi gratuitement. C'est ça. Vous la recevez dans vos courriels. Ça fonctionne? Des fois, ça fonctionne. Pour certaines personnes, ça doit fonctionner. Ouais. OK. C'est pas ma journée pour le fonctionnement des ordinateurs aujourd'hui. Que voulez-vous? Ah, ben ça arrive, hein, des fois. Lâche pas, Mathieu. Merci. Alors, c'est ça. Comme je le répète, le 4 mai, il va y avoir un prochain album de Broken Social Scene. Et la pièce qu'on va aller écouter, un extrait de ce prochain album-là, s'appelle World Sick. Ça commence vraiment doucement. C'est comme là que tu devrais dire, mettons, dans le bloc télécharge quoi avec Maxime Lemire-Amé. Okay, tout ouais. Ça, là, c'est là ouais. Que ça va. Là. Pendant le bout instrumental. Ah, c'est ça. Vous êtes toujours à télécharge quoi dans l'émission Assemblage requis avec Kiwan, Mathieu et moi, Maxime, pour l'instant. Maxime, le professional Lemire-Amé. Professional? Professional. Crime, merci. C'était sarcastique. T'es beau pareil, ça. T'as une belle coupe de cheveux, je trouve. Merci. Plaisir. Il y avait un épisode des débrouillards là-dessus où il y avait la l'insonorisation. C'est comment qu'elle s'appelait? Joanne? Hein? Mickey? Okay, la fille qui jouait un débrouillard. En tout cas, à un moment donné... Je pensais que c'était Karine Vanas. Pas en tout. Non. L'ancienne vintage, là, old school. Okay, okay. Pas les merdes qui ont fait... Non. Tu trouvais que c'était de la merde? Ben non. Mais c'est rien comparé à l'original. Le tried and true. C'était quoi donc l'original? Ben, c'était avec Grégory Charles, avec Marie-Soleil Touga, avec le petit gars là. Mais il était plus là, Grégory Charles, à la ben fin. Oui, il était encore là à la fin. Mais si tu me laisses pas finir mon histoire à la place. En tout cas, continue. Hein? Je trouvais qu'elle était pas mal plus intéressante que ce que tu disais là. Non, c'est qu'il y avait un épisode où il essayait justement d'insonoriser leur chambre à coucher avec une genre de pompe qui envoie de la mousse dans le mur. Ouais. Là, ben, elle avait fait le trou trop loin, je pense. Puis le liquide ou la substance est ramassée dans l'autre chambre. Là. C'est comme la grosse affaire dramatique. Là. C'est un épisode des débrouillards. C'est vrai? Ouais. Tu sais qu'il y avait une sitcom à l'intérieur des débrouillards à ce moment-là, tu te rappelles pas? Ouais, non, je m'en souviens, mais je veux dire, ils ont quand même passé l'épisode où ils avaient moffé leur C'était pour apprendre quelque chose aux gens, là, ça s'appelle de la science, de la vulgarisation. Ouais, je sais, mais je veux dire, ils l'ont manqué. Ouais, mais c'est ça l'idée, là. Ils ont fait exprès pour le manquer? Mais non! C'est pas, ils ont pas fait exprès pour le manquer, ils l'ont raté, il a fallu qu'ils règlent le problème. J'ai de la difficulté à comprendre les débrouillards. Bon. Mais check, Mathieu, je t'en ai que tu chiales tout le temps. Fait que... C'est vrai. Hein? Passons à un autre appel. On était dans ton blog Télécharge quoi, où on découvre de la musique. Ouais, ben c'est ça. Des fois, c'est des albums qui vont sortir dans plusieurs mois. Des fois, c'est des albums qui vont sortir le lendemain. Comme avec... Avant, on peut revenir peut-être un peu sur la pièce qu'on vient d'entendre, ouais, de Broken Social ouais. Scene. Tu disais que leur album sort le 4 mai prochain. Oui. Et moi, je t'ai dit que l'album de Jason Collett, qui fait partie de Broken Social Scene, son album solo, ou faisait, je ne sais pas s'il fait encore partie du groupe. Ouais, c'est nébuleux avec Parce que c'est comme un collectif hein, ouais. aussi, hein, sont vraiment plusieurs. Donc, en tout cas, cet album-là de Jason Collett sort, lui, le 9 mars prochain, c'est bientôt. C'est très bon. On en a écouté la semaine dernière, on va en réécouter aussi aujourd'hui. Je pensais pas que ça sortait la semaine prochaine. C'est écrit 2009 en arrière. Ouais, c'est toi qui le sais. Il était produit en 2009 peut-être. Hein? Ça, c'est la copie genre promo. Ah, ok, ok. Mais non, l'album va être disponible en magasin le 9 mars. On dirait que Maxime veut vraiment genre te dire « Hey, t'as tort », alors que lui a tort à toutes les semaines dans ses chroniques parce qu'il dit n'importe quoi. J'ai jamais tort. Non, c'est parce que je suis arrivé tantôt quand Kiwan n'était pas là et j'ai regardé l'album. J'ai dit « Ah, ben ça doit être un album de 2009 ». Puis toi, tu savais pas pantoute. Là, toi, je te pose même pas la question parce que t'en as aucune idée. Fait que là, quand Kiwan revient, je lui demande. Puis là, tu me dis, arrête de poser des Kiwan à Mathieu. Je fais des malfrances. C'était quoi le nom qu'on avait trouvé pour l'émission déjà? Un gars geek? Non. C'était Plante-moi un Kiwan. Yes. Plante-moi un Kiwan. Ouais, ça a pas été retenu non plus. Non, hein, c'est ça. J'ai parlé de toi en fin de semaine parce que. Ma sœur, elle a une amie qui s'appelle Kiwan. Ah ouais, j'ai dit, c'est son surnom. Elle dit, ouais. Non, elle dit, non, c'est son vrai nom. Comment ça s'écrit? Je sais pas comment ça s'écrit. Faudrait que j'y demande. Puis là, j'ai dit, ben, Kiwan, je pense que c'est son surnom, tu sais, de rockstar. Puis là, elle dit, ah ouais. Puis je dis, je suis pas sûr. Mais attends, c'est je parce que. Je vais demander en onde. Kiwan, l'ami de ta sœur. Ouais, c'est une fille. Et Kiwan, mon co-animateur, n'ont jamais été dans la même pièce en même temps. Peut-être que c'est la même personne. Peut-être! Peut-être que. Tu connais ma sœur? C'est ma double vie, ouais. Comment ça, tu connais ma sœur? Bon, le coup, on s'en parlera hors d'onde, là. OK. Alors, dernier artiste dont je voulais parler. Puis, je suis un peu insulté, Mathieu, que tu dises que j'arrive avec n'importe quoi pendant la chronique. J'ai pas dit ça, du tout. T'as mal compris. T'as dit, à chaque semaine, t'arrives et tu dis n'importe quoi. Pas en tout, ça sonnait comme ça, mais c'était pas ça. En tout cas. Je vais écouter les autres chroniques aussi pour voir si je suis vraiment n'importe quoi. Ça tombe bien que ce soit moi qui découpe les balados diffusion, hein. Ouais. OK. Alors, c'est ça. Dernier artiste dont je voulais parler sort un album demain, 23 février. C'est le groupe Wolf People qui sont sur l'étiquette Jack Jaguar, que je ne connaissais pas du tout avant d'entendre parler d'eux pour leur prochain album qui sort demain. L'album s'intitule Tidings. Tidings. T-I-D-I-N-G-S. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça a rapport avec les vagues, les marées, ça part comme ça. Crime, t'es bon en anglais. Je sais pas. Félicitations. J'espère que c'est vraiment ça, mais il me semble que, ouais, c'est la marée. Ah, OK. Des vagues de marée. En tout cas, bon, peu importe. Hein. Peu importe. On va écouter la pièce qui est disponible sur MySpace, Tiny Circles. Alors, je vous conseille cet album de Wolf People qu'on écoute tout de suite à Télécharge quoi avec Kiwan et Maxime. Kiwan et Maxime. C'est tout. Tu m'énerves! Wolf People avec la pièce Tiny Circles. Vraiment excellent, ça. Ouais, c'était très bon. Mm. Ça m'a surpris, même si je l'avais écouté hier un peu. Ouais, c'est ça. Percy vient dire que c'est pas correct quand je dis qu'il est pas préparé. Il l'a écouté une fois avant. Hein? Ah, tu veux que j'apprenne les pièces par cœur? C'est ça. Venir? Et tu les chantes live en studio. Après, on écoute puis on compare. C'est bon. Ben, je ferai pas ça la semaine prochaine. Non. Mais merci. Moi, ça va être tout. Ben, merci à toi. C'est un très bon bloc, ça, aujourd'hui. Ouais, excellent travail. Merci. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Bye. Voilà, c'était Maxime Lemieux-Laramée et son bloc Télécharge quoi dans Assemblage requis. Vous êtes toujours avec nous, Kiwan et Mathieu, jusqu'à 17h. Hein? Mmh. C'est vrai. On va prendre une petite pause, par contre. Et puis on va se retrouver après avec, entre autres, la chronique de notre chroniqueur Drummondvillois. Ça va être étrange, ça, je pense, moi. Je suis pas trop sûr encore, t'sais. Ça fait bizarre, comme Drummondvillois, ça... Je sais pas, ça doit être des préjugés, hein. On dirait. On dirait que t'as des préjugés envers Drummondville, je comprends pas. Ouais. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. On va entendre Mille Monarques et la pièce Engin de mort à assemblage requis. Oui, et tout ça pour en venir au fait que On vous en a parlé un peu au début de l'émission, qu'on en reparlerait. On est allé voir le spectacle d'Émile Monarque en fin de semaine dernière. On en avait beaucoup parlé la semaine passée aussi. On avait espoir de donner le goût aux gens d'aller voir Émile Monarque à Shawinigan, mais c'est pas évident. Hein, c'était pas assez Émile Monarque. En fait, 3512! Ouais, c'est ça pour un groupe montréalais comme ça qui joue pas tant à l'extérieur de Montréal, à part ici, à l'émission, puis assez fou. C'était quand même pas évident. Je pense quand même, mais comme on se disait, même s'il était venu à Trois-Rivières, ça aurait été tough. Il n'y aurait pas eu énormément de gens. Donc, c'est sûr qu'à Shawinigan, il ne fallait pas s'attendre à des miracles non plus. Mais c'est étrange de dire comment Émile Monarque est un groupe qui est quand même assez gigantesque dans l'underground. C'est quand même un des groupes les plus appréciés de l'underground qui réussit pas à attirer plus de monde que ça à Shawinigan. C'est dommage un peu. Mais bon, passons. On a mis le spectacle quand même. Oui, on pourrait parler peut-être, pour commencer, de la première partie qui était en fait un peu, je pense, la raison pour qu'il y ait un spectacle ce soir, ce samedi à Shawinigan. Je pense pas que la présence, la venue de Émile Monarque aurait justifié là, que la production d'un spectacle au Broadway. C'est vraiment, je pense... Le groupe Bijou, le groupe local de Shawinigan, slash grand-mère, je crois, qui était un peu, finalement, les producteurs et la raison d'attirer les gens au spectacle. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du groupe Bijou? Ben, personnellement, j'ai bien aimé. J'avais jamais entendu, à part une fois qu'on avait joué une pièce de Bijou ici à Assemblage Rocky. Mais j'ai trouvé, moi, ça m'a rappelé des formations comme, je sais pas si ça va même te dire quelque chose. Comment ça s'appelait déjà? Caroline, je l'ai dit il y a 2 secondes, le groupe. Horror Pops, Caroline, ça a été comme super long le délai. Horror Pops, ça me faisait penser à ça. J'en jouera peut-être tantôt. Et puis, ça me rappelait un petit peu la voix de No Doubt par moment, la façon que la fille chante. J'ai bien aimé le style. Je trouvais que c'était rempli d'énergie. Ça mettait vraiment de l'ambiance en place, t'sais. Ouais, c'est vrai que la voix, ben en fait la chanteuse, c'est clairement le point positif de ce groupe-là, à mon avis. En passant, moi, j'ai pas particulièrement aimé le groupe Bijou. Mais c'est sûr que la chanteuse, c'est vraiment le point positif du band, que la chanteuse qui a vraiment toute une énergie, qui est vraiment qui remplit la survol de tous les côtés. Ouais, elle a vraiment une présence, même si elle a pas l'air très habituée à communiquer avec la foule, pas l'air d'avoir énormément d'expérience sur scène, mais juste sa présence pendant qu'elle chante, sans parler des interventions entre les pièces, juste sa présence remplit vraiment l'attention puis l'espace. C'est quelque chose qui avait moins des interventions, sa participation avec le public là, à part dire les noms des pièces là, elle nous parlait pas vraiment. Ouais, c'est ça, c'est ça aussi, je mets ça sur le fait que ça avait l'air d'être pas mal toutes ses amies. Là, qui était dans la foule devant elle, donc on avait l'air un peu de s'être invité dans un party privé. Des intrus, si on veut. Ouais, c'est ça. C'est comme jaser un peu avec ses amis entre les pièces, donc on se sentait un peu étranger. Mais sinon, on a vraiment toute qu'une présence sur scène pour elle. Mais pour ce qui est de la musique, moi, j'ai pas aimé la musique, là, vraiment. Ben, premièrement, il faut dire que c'est 2 guitares électriques. C'est ça, on peut dire ça à peu près. Hein? Bon, des guitares électriques, là, machine, là. Il y avait une basse et puis une batterie. Ouais, puis c'est vraiment... en fait, moi, je trouve que les 2 guitares sont pas vraiment justifiées, là, parce qu'on n'utilisait pas vraiment tout le relief qu'il aurait pu avoir avec 2 guitares. C'est des power chords, c'est du rock assez hard, assez simple, assez rapide. Bref, rien qui se démarque vraiment. Pas non plus des mélodies accrocheuses qui nous restent en tête. Vraiment, ce qui nous marque le plus quand on écoute cette musique-là, c'est la présence de la chanteuse. Tout à fait. Bon. Donc ça, c'était Bijou. Puis là, comme tu disais, tu sais, sa voix a vraiment des ressemblances avec des groupes connus. Elle a une voix assez typée, mais en même temps, qui ressemble justement, comme tu disais, à No Doubt. Puis ça me faisait penser un peu à Biff Naked aussi. OK, je connais moins un peu. Donc, tu sais, faut aimer là, ce genre de voix-là qui est très attachée à un type de rock en particulier, un peu un type de rock que je classifierais de cock rock américain. Ouais. Bref. En français, ça marcherait pas vraiment. Non, c'est ça. Ce serait trop descriptif. Du Q-rock. Voilà. Donc, Bijou, puis après ça, ben, y avait la performance de Émile Monarque qui était plus courte, sinon à peu près égale à celle de Bijou. Oui, malheureusement, on n'a pas été sur scène très longtemps. Émile Monarque, mais en même temps, c'est comprenable parce que vraiment, la foule était là pour voir Bijou. C'est vraiment une foule locale qui allait voir son groupe local. Et entre les 2 spectacles, la place s'est un peu vidée, c'est très dommage. Il restait pas énormément de gens pour Émile Monarque, mais ils ont été quand même très généreux. Je pense que c'est vraiment l'adjectif qui m'a resté en tête après. Ils ont été généreux. de donner quand même le spectacle qu'ils ont donné malgré les problèmes de son. Il y a vraiment eu beaucoup de problèmes de son. C'était... Le grichement assez intense et aigu là, pendant les pièces des fois. C'était assez désagréable. Et puis même que, ben, je dirais pas le spectacle, mais les sons, là, les sons qui n'étaient pas supposés être là. Et même qu'ils ont été obligés d'arrêter la dernière pièce, la meilleure pièce à mon avis. L'immense larme, la meilleure pièce d'Émile Monarch qui faisait à la fin du spectacle. Ils ont été obligés de l'interrompre parce que là, c'était vraiment trop intense. Il y avait l'air d'avoir de l'écho sur la scène. Ils n'entendaient plus ce qu'ils jouaient. Il y avait des problèmes avec leur moniteur. Bref, c'était vraiment pas l'idéal. Malgré tout ça... Il y avait de l'intensité voulue à quelque part dans les pièces aussi parce qu'il y avait des pièces qui finissaient de façon vraiment là, dans la face. Oui, la plupart des pièces finissaient avec des espèces de longs, des longues montées instrumentales là, qui devenaient vraiment très, très intenses, qui remplissaient l'espace. La musique était tellement dense. Tu avais les cheveux dans le vent. Là. Vraiment, là, ouais, c'était intense, les finales des pièces. Et puis c'est ça, moi, j'avais déjà vu Émile Monarch en spectacle. Je savais qu'il était capable de faire quand même quelque chose d'assez pesant parce que des fois, en spectacle, ça rock beaucoup. Là. C'est très pesant. Ça peut être pesant, en tout cas. Puis c'est une version, j'ai l'impression, un petit peu plus... c'est un petit peu plus peut-être porté sur leur côté instrumental, presque expérimental, des fois, hein, sur l'album d'Émile Monarch. Il y a des pièces qui sont très instrumentales, qui sont moins mélodiques, moins rythmées que certaines autres. Puis j'ai l'impression qu'il y a possibilité d'avoir différentes configurations de spectacles selon, leur humeur ou l'endroit où ils sont. Mais je les avais vus à l'extérieur. C'est peut-être pour ça que c'était très pesant, c'était très rock. Là, c'était un peu moins rock la version qu'ils nous ont offert, mais c'est quand même très, très bon. Très, très, très, très bon. Mais malgré tous les problèmes que je disais tantôt, problèmes de son, puis il n'y a pas beaucoup de gens, la raison pour laquelle je dis qu'ils sont généreux, c'est qu'ils étaient quand même de très bonne humeur. Hein. Ils ont fini le spectacle, ils ont dit « on va prendre une bière avec vous autres », puis ils n'ont pas foutu le camp en sauvage, ils sont restés là. Ils avaient l'air contents en plus d'être là, ils jasaient quand même avec nous. La raison qu'ils viennent à Trois-Rivières ou à Shawinigan, c'est sûrement parce qu'ils aiment la place puis ils aiment les gens qu'il y a là. C'est pas nécessairement parce qu'ils savent qu'ils vont avoir beaucoup de monde. Ouais, je sais pas exactement. Je sais pas. Peut-être qu'eux autres, ils sont juste à offrir. Peut-être que c'est un producteur local au Broadway ou je sais pas qui leur offre la gig puis ils disent, pourquoi pas, on va aller la faire. Mais en tout cas, je pense pas que ça a été une expérience négative malgré tout là, pour eux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on a vraiment aimé. On a très apprécié ça. On va d'ailleurs aller en entendre une autre pièce. Oui, juste avant ça, tantôt, on en parlait avec Maxime. Quand Maxime était ici tantôt, puis là, il nous disait que... parce qu'en fait, on avait remarqué pendant le spectacle que la chanteuse, parce qu'il y a certaines pièces, dont entre autres Cœur rouge... Juste rouge, c'est ça. Il y a une pièce qui a déjà été sur les palmarès ici, assez fou, qui est chantée entièrement par une fille, par la fille qu'il y avait dans le groupe avant et qui jouait aussi du clavier. Et là, Maxime nous demandait qui la remplace parce que lui, il savait qu'elle était plus là. Elle a dû quitter pour poursuivre ses études, je crois. Donc, elle a quitté le groupe. Et là, il nous demandait c'était qui. Moi, j'étais pas sûr parce que, tu sais, je t'en avais parlé pendant le spectacle samedi. Je te disais, il me semble que ça ressemble à un des membres de Numéro. Oui. Et là, je suis en train de confirmer en regardant des photos présentement de Numéro et c'est bel et bien le musicien du duo Numéro qui est maintenant le claviériste. Je sais pas si ça va être pour toujours, si c'est permanent, mais en tout cas, en fin de semaine, c'est lui qui jouait avec... Il était très bon, donc c'était le fun si ça durait. Oui. C'était cool. C'était un très bon spectacle, bref. Voilà, on a bien aimé Émile Monarch au Broadway. Et Broadway, en passant, moi, c'était ma première fois là-bas. Ouais, t'as aimé ça? J'étais vierge de Broadway, je l'avoue. Et j'ai bien aimé comme place, c'est très, très sympathique. Ouais, c'est ça, la petite salle à côté, c'est l'idéal pour des spectacles, c'est pas pour des spectacles à grand déploiement, mais tu sais, pour une centaine de personnes maximum, là, ça fait la job. En plus, avec les excellentes bières de leur micro-brasserie, c'est toujours un plaisir. Miam. Alors, on va aller entendre leur pièce Cœur volant tout de suite de Émile Monarch. Ouais, moi, c'est la pièce que j'ai le plus aimé pendant le spectacle, donc on l'écoute tout de suite. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h. Et tantôt, vers les 16h, hein, correspondant de Romain Villois. 16h15. 16h15, hein, ouais, tant que ça. Cool. Belle heure. Oh, serre tes doigts, ne me lâche pas, je suis seul. Si tu m'oublies en l'air, seul, descends-moi, l'orage crie de joie. Oh, oh, oh, il sera trop tard, l'éclair nous traversera. Cœur volant de mille monarques à Assemblage requis, et c'est la fin de notre première heure. Mm-hmm. Oui, restez là, il y en a un deuxième qui s'en vient avec, entre autres, Alex, notre nouveau chroniqueur au début de la prochaine heure, et plein d'autres trucs aussi. Sûrement plein, plein d'autres trucs. Mais pas de co-animatrice fille, on n'a pas ça nous autres. C'est juste nous deux. Un. Bonsoir, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Et non, on n'a pas d'ancienne animatrice de Météo Média ou d'ancienne participante à Love Story, mais Kiwan et moi, on est là par contre. Et oui, toujours fidèle au poste. Dans la deuxième heure, on l'a mentionné maintes et maintes fois, on va arrêter parce que c'est très bientôt, là. Mais nouveau correspondant Drummond Villois, il va nous parler de son garde-robe. Chronique linge, je pense, qu'il fait. Pas sûr, par exemple. On va lui demander tantôt. C'est bon, on va écouter en attendant Jason Collett avec un extrait de son nouvel album. En fait, son album qui va sortir le 9 mars prochain. L'album s'appelle Ratatatat. Ratatatatat. Lui aussi, il porte du linge, je pense. Jason Collett. Il y a de très beaux collets. Collets de chemise. Collets. Ça va? Merci. Last night, I dreamed of death. Slept on the floor, head between speakers wave, tears falling stereo. As cold as said as he climbed out of bed, this winter ever go. You took your hands, warm them in my own soul. Sad songs, rave on. I'm just feeling the temperature. Happiness is for amateurs. Up in the afternoon gray into the evening's fade of black, we crashed into the moon. Been stones, precious to the bone. By and by, you should see the light with steady as she goes. Every horizon has some glow. So pray on, you say it's on. Fall behind that dragon's at the door. And rave on, you sad songs, rave on. I'm just feeling the temperature. Happiness is for amateurs. Orange, Orange et Montréal à moi, à Assemblage Requis. Oui, on vous en parle depuis le début de l'émission, même qu'on en, on vous en a parlé un peu la semaine passée. On a maintenant un correspondant de Roman Villois ici à l'émission Assemblage Requis. Il est présentement au bout de la ligne. Salut Alex. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, très bien. Donc, pour ceux qui sont habitués de ces fous, ils te connaissent peut-être plus sous le nom de Lutin D, dans ton émission Les Lutins de l'Enfer, les vendredis soirs. Une émission où vous présentez du métal, généralement. Et là, dans la chronique aujourd'hui, ici à l'émission, ça va être un peu différent. Donc, explique-nous un peu le concept de la chronique. Ben, c'est ça. Ça va être vraiment très différent. Moi, dans le fond, j'écoute de la musique depuis longtemps. Il y a toujours des pièces là, qui me restent en tête, là, qui sortent de nulle part. Qui sortent des boulamites, dans le fond. Fait que je décide de faire une petite chronique sortie des boulamites. Ça va être soit des groupes qui ont connu un succès dans l'underground et puis qu'on n'a plus entendu parler, ou carrément des One Hit Wonder qui ont apparu comme ça et qui sont disparus aussi vite. Fait que j'ai choisi deux exemples de ça aujourd'hui. Puis je veux pas non plus, là, je descendrai pas en bas des années 90, je veux pas tomber trop dans le quétaine non plus. Là. Fait que j'ai choisi deux exemples. Dans le fond, les deux exemples, ça a sorti en 98. Est-ce que vous vous souvenez de Estero? Moi, je me souviens pas du tout de ça. En fait, je connais vraiment pas. On a écouté un peu les pièces, et puis ça me disait rien, là, la pièce. OK. Ben dans le fond, Estero, c'était un duo à l'époque, composé de Estero et du producteur Doc, qui avait sorti un album qui s'appelle Bread from Another, qui avait été très, très bien reçu par la critique. Moi, je trouve ça vraiment bon, cet album-là. Ça a été comparé un peu à du Bjork et à du Portishead dans le temps. Fait que je sors ça des boulamites. Moi, c'est un album auquel je reviens assez souvent. J'aime bien cet album-là. Okay. J'ai choisi la pièce Evanescent, dans le fond, qui était le premier extrait d'album. Il y avait même eu un vidéoclip pour ça. OK. Donc, on l'écoute. Oui. Vas-y. OK. On se croirait aux Olympiques avec le délai ici. OK. Et puis, l'autre pièce que j'ai choisie, c'est vraiment un One Hit Wonder. Si la pièce vous dit quelque chose, vous n'arrivez pas à replacer, allez faire un tour sur YouTube, voir le vidéoclip, ça va vous revenir, je suis sûr. C'est le groupe BTK, la pièce Pippy Rock. Ça, ça vous dit quelque chose? Non plus. Ben, absolument pas. Ben, le nom là, me disait vraiment rien, mais j'avoue, quand on l'écoutait, le beat me disait quelque chose. C'est vraiment un One Hit Wonder. C'est tellement un One Hit Wonder que j'ai essayé de faire de la recherche sur le groupe et il n'existe absolument rien sur Internet. Ils n'ont rien sur Wikipédia. Je n'ai jamais réussi à écouter l'album de cette band-là. J'ai juste trouvé le single. C'est vrai qu'en 98, en plus, l'information n'était pas aussi bien partagée qu'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que les infos doivent être assez rares sur un groupe qui a eu un seul succès en 98. Fait que le clip, c'est un aussi, le vidéoclip, c'est un clin d'œil à Sesame Street. Là, OK. Pour ceux qui vont replacer la pièce. Parfait. Donc, on écoute Pepe Rock tout de suite dans la chronique Sortie des boulamites d'Alexandre Delage à Assemblage Requis. Your business giving of Dr. Death, a Quinn Martin production. No, that's impossible. Look a little bit closer. There's got to be something there. Something deep, deep down inside. Something besides a lust for money or fame. No, I'm sorry. There's nothing in there. No, it's completely devoid of everything. Except for... Hello? What's this? Ah, here we go now. Estero et Heaven Sent, c'est dans la chronique sortie des Boulamites du lutin B. Alliance Alexandre Delage. Oui, c'est ça, sa chronique sortie Boulamites. Il va faire ça un lundi sur deux. Donc, on va le retrouver lundi dans deux semaines avec deux autres artistes comme ça, soit un one-hit wonder ou juste quelque chose de très vieux qui va nous sortir des Boulamites comme ça. Donc, rendez-vous dans deux semaines avec le lutin D. Sinon, vous pouvez aussi écouter son émission tous les vendredis ici à C'est fou, les lutins de l'enfer. C'est juste après les palmarès C'est fou à 20h les vendredis soirs. Et pour ceux qui écoutent le lundi depuis des années, là, depuis 1972 au début de l'émission, vous savez que Martin Bertrand, normalement, sa chronique sur les petites mythologies à chaque lundi. Là, la série 2 est terminée et à partir de maintenant, on l'a annoncé la semaine passée pour la première fois, mais je vous le rappelle, ça va être une fois par mois, les petites mythologies. Donc, soyez à l'écoute d'Assemblage requis comme ça. Avec des nouvelles capsules qu'on n'a jamais entendues nulle part avant. Exactement, des primeurs, si on veut. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées, et on en parle maintenant des choses inventées ou découvertes par accident. C'est un top sur zigonet.com. Kiwan, t'as envie d'entendre parler de choses qui ont été inventées par erreur, par accident? Et là, on ne parle pas de toi. Bien placé, par contre, bien placé. Donc, l'article nous dit que les inventeurs et scientifiques ont de l'imagination en pagaille et ne cessent de se remuer les méninges pour mettre au jour une invention qui révolutionnera le quotidien de chacun. Mais vous est-il déjà arrivé d'imaginer que ce que vous utilisez au quotidien est le fruit du hasard? Dans le monde des découvertes, il arrive parfois que certaines d'entre elles ne soient que le fruit d'accidents ou de mauvaises manipulations. Et bien, Zigonet nous propose de découvrir dans ce dossier 5 objets. Même j'en vois 6, moi. 6 objets découverts complètement par hasard. Commençons par la 6e position, les cornflakes. Les cornflakes. Indispensables au petit déjeuner pour beaucoup d'entre nous, les cornflakes ont bien été découverts par hasard. En fait, en 1894, le docteur John Harvey Kellogg était responsable du sanatorium Battle Creek dans le Michigan aux États-Unis. Son frère et lui appartenaient au mouvement des adventistes du 7e jour. Et ils cherchaient tous deux un aliment sain pour nourrir les patients tenus au régime végétarien. Et c'est alors qu'ils avaient oublié du blé bouilli dehors que les cornflakes sont nés. Les deux frères ne voulant pas jeter la substance qui avait passé plusieurs heures à l'extérieur, ils ont d'abord eu l'idée d'en faire de longues feuilles de pâte, mais ont obtenu à la place des flocons qu'ils décidèrent de faire griller. C'est ainsi que les cornflakes furent créés et face au succès rencontré auprès des patients du sanatorium, les deux hommes firent breveter leur invention, les cornflakes, invention inventée par hasard. Mais c'est drôle, c'est à partir de blé. What? Donc, ça n'a absolument pas rapport avec le maïs. Ah, ben j'avoue, hein, flocons de maïs, cornflakes. Ah, ben étrange. Que veux-tu? Le four à micro-ondes est en 5e position du palmarès des choses inventées ou découvertes par accident. Le micro-ondes a été inventé à la fin des années 40. Cet appareil électroménager est aujourd'hui chose courante dans la plupart des ménages et pourtant son invention n'est pas le fruit d'années de recherche dans le seul but de le créer. Non. En 1945, Percy Spencer expérimentait un nouveau tube à vide appelé magnétron lorsqu'il eut la surprise de voir ses confiseries fondre dans sa poche. Il renouvellera alors l'expérience avec du maïs qui, placé à proximité du tube, éclata. Percy Spencer imagina tout de suite le potentiel de ce qu'il venait d'observer et en 47, le premier four à micro-ondes est né. Il pesait à l'époque 340 kg et coûtait près de 3500 euros, le micro-ondes. Combien il pesait? T'étais déjà rendu ailleurs, non? 340 kilos. Shit, hey, c'est vraiment beaucoup, là. Tout à fait. Shit, the fuck the mark? Non, mais... c'est très lourd. Des kilos, là. C'est comme les ordinateurs, ça a commencé très gros, puis ça finit par descendre un jour. OK. Post-it en 4e position. Tout le monde connaît les petits morceaux de papier jaune sur lesquels on écrit ou qu'on essaie de coller et de recoller n'importe où, mais ça marche pas toujours. Bien, cette invention bien pratique qui envahit nos bureaux est due au hasard. Le post-it a été conçu en 1974 par Arthur Fritt, alors qu'il cherchait un moyen de repérer facilement ses pages dans son livre de cantique. Il opta alors pour un produit adhésif créé accidentellement par un employé de l'entreprise 3M. Si la société était à l'époque sceptique sur l'utilisation de cette colle réutilisable et des petits papiers jaunes, le produit fut tout de même introduit sur le marché mondial en 1980 et est aujourd'hui vendu dans plus de 100 pays, le post-it. Il nous reste 3 choses inventées ou découvertes par accident. Commençons par la saccharine, l'édulcorant le plus connu, qui a été découvert accidentellement en 1879 par le chercheur Konstantin Fallberg, alors qu'il travaillait dans le laboratoire du professeur Ira Remsen. Konstantin oublia de se laver les mains avant de déjeuner. Il avait alors peu avant renversé un produit chimique sur ses mains qui se transféra sur son pain. Après avoir goûté ce dernier, le pain, hein, le chercheur l'avait trouvé plus doux que d'habitude. En 1884, M. Falberg obtenait un brevet et commençait à commercialiser la saccharine, qui devint alors populaire lors de la Première Guerre mondiale, remplaçant le sucre. C'est un faux sucre. Le saccharine, ou même la saccharine. Deuxième position, les chips. Ah là, ça me rejoint plus. Les chips. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de plonger plusieurs fois la main dans un paquet de chips, c'est George Crumb qu'il faut blâmer. C'est lui l'inventeur de cet aliment connu partout dans le monde. C'est en 1953 que les chips ont été créés alors qu'un client du restaurant renvoyait son assiette de frites, se plaignant qu'elle n'était pas assez croquante. George Crumb décida alors de couper les pommes de terre en tranches très fines avant de les faire revenir dans la graisse chaude et de les parsemer de sel. À la suite de cette invention, les chips furent produites en série et le sachet hermétique pour les contenir fut inventé dans les années 20 afin de mieux les conserver. Aujourd'hui, les chips se sont déclinés dans de nombreuses saveurs. Quelque chose que je ne savais pas du tout. Barbecue, oignon, sel et vinaigre. Wow, quelle variété! C'est bien. Il nous reste la position numéro 1 des choses inventées ou découvertes par accident selon Zigonet.com. Les feux d'artifice auraient été inventés en Chine il y a 2000 ans. Et la légende veut que ce soit un cuisinier qui soit à l'origine de cette découverte qui enchante le pays. Au moins une fois par an. L'histoire veut que ce soit un cuisinier qui aurait découvert les feux d'artifice en mélangeant ensemble charbon de bois, soufre et salpêtre, ingrédients communs dans les cuisines à cette époque-là. Le mélange aurait alors brûlé et une fois comprimé dans un tube de bambou, aurait éclaté. Tout ça par hasard, hein? Il a vraiment mis ça dans un tube de bambou. Ouais. C'est un drôle de hasard quand même d'avoir fait ça. Mais bon. Voilà. Et puis il nous reste sinon sur l'article que je vais poster sur assemblagerequis.com d'autres inventions. Le brownie, le carambar, le frisbee, le mouchoir en papier et le jacuzzi, qui sont des inventions inventées ou découvertes par accident. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Voilà, c'est dit. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission qui continue jusqu'à 17h, émission qu'on lève à 2, comme toujours. Et tout en n'oubliant jamais de plier les genoux, c'est très important. Ouais, surtout, hein, les gens, ils oublient ça, puis après ça, ils viennent se plaindre à nous autres, puis ils disent « C'est de la faute à Kiwan et Mathieu que je me suis cassé le dos. Hey, wow, là, wow! » Mais là, tu dis à deux, mais en fait, on a beaucoup d'aide pour lever cette émission-là. Ouais, sauf en dernière demi-heure. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, peut-être un peu. Mais hey Mathieu, on va retourner en musique tout de suite. Là, pendant qu'on dit vraiment n'importe quoi, on va aller écouter le groupe Waving Hand qu'on a découvert récemment ici. Ben, en fait, on a découvert ça dans l'émission Chérie, m'écoutes-tu, pour être bien honnête, pour donner à César ce qui revient à César. C'est ça. Donc, on va écouter Waving Hand. Ils sont en spectacle ce soir à Québec, aussi au Cercle. Ils sont en première partie, je crois. De Paul Hood, évidemment. Exactement. Le Cercle. Wow. C'est tellement drôle, Mathieu. Ouais. Non, c'est en première partie de Kurt Vile. Donc, on pourrait écouter peut-être un petit extrait, une petite pièce de Kurt Vile après. Mais pour tout de suite, Waving Hand, qui sont sur le palmarès en gros, c'est fou. Là. Oui, tout à fait. Et voici leur très, très bonne pièce, Bonne nuit, mon cœur. Oh, toss, as you say, as you say. Donne-lui mon cœur, as you touch your whispering voice while you walk away. My side, as you touch your whispering voice, as you say, as you say. Jusqu'à 17h. Kurt Vile et la pièce Freeway à Assemblage Requis, hein, qui, tu sais, c'est Kurt Vile, là. Ouais, c'est ça, c'est la première fois qu'on entend Kurt Vile ici à l'émission, c'est parce qu'il va être en spectacle ce soir, comme je le disais tantôt, au Cercle à Québec, en compagnie du groupe qu'on aime beaucoup, Waving Hand. J'étais sûr que je l'aurais cette fois-ci, j'étais comme tellement content de ne pas avoir fait jouer la deuxième tune du MySpace. Lâche pas, Mathieu. Je m'en sortirai donc jamais de cette marmite. Bon, vous êtes avec nous jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Marmite étant juste un mot comme ça que j'utilise dans ma vie de tous les jours, de ma vie de cuisine, de cuisinier. Ben, c'est vrai qu'on n'utilise pas souvent le mot marmite. Non, c'est ça. Ça, puis camembert. Ben non, camembert, tu vois, moi, dans ma vie, personnellement, je l'utilise souvent, étant donné que je travaille pour un distributeur de fromage. Ah, mais, tu fais du fromage aussi? Ah, moi, je savais pas que c'était plusieurs produits différents. Et oui, qu'est-ce que je disais donc? Je disais que oui, non, rien. Je disais rien. Ah non, pour vrai? Je te disais que tu allais dire quelque chose. Je disais que marmite, faut pas dire trop souvent ce mot-là, hein, parce que quand tu dis souvent marmite, ça fait comme perdre son sens, parce qu'il y a trop de M puis de R, on dirait. Tu sais, marmite. Ah, il y a juste deux M puis un R, là, mais bon. Mais non, mais dis-le souvent, marmite. Marmite, marmite, marmite, marmite. Ah, c'est vrai, c'est difficile à dire. C'est comme piano, panier. C'est pas si difficile, mais c'est qu'un jour, tu sais, quand tu le dis trop, on dirait que ça veut plus rien dire à un moment donné, tu sais, marmite. Marmite. Tu vois, je l'ai déjà trop dit, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Hey, oui. Contenu aujourd'hui, hein, à part l'émission. De ça, ouais. Ça va bien, toi? Ben, ça va. Ça va de moins en moins bien. donc, on s'en va entendre du Venice Pariétaire, hein, parce qu'ils sont sur la compilation Les Frères du Son et ils ont fait leur entrée récemment dans les Palmarès C'est Fou avec la pièce Givresse. C'est vraiment très bon, cette pièce-là. Une autre excellente pièce. Et en passant, Les Frères du Son, entrevue avec Venice Pariétaire. Ah oui? Sur le site web. lesfraresdusson.com. C'est déjà disponible? Je sais pas si c'est l'est en ce moment. J'ai vu qu'elle était en veille d'être disponible très, très bientôt. Ouais, j'ai pas retenu la date. Je m'en vais vous dire ça dans un instant à peine. Donc, lesfraresdusson.com, très joli site en passant. Entrevue avec Vanessa Pariétaire à voir présentement dans la section audio-vidéo. Donc, oui, c'est bien présentement disponible en vidéo. C'est beau en plus. Ah, wow! Hey, je le reconnais, le gars. Parce qu'on l'a eu en entrevue, nous autres aussi. Faut le dire. Bon, tu l'as dit, là. C'est pas très impressionnant vu de même, là, mais tu bon. Tu l'as dit, c'est correct. Super. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas remercié aussi hein, Vanessa pour leur apport à l'émission. Leur enrobage musical, la chanson thème, les fonds du Vanessa Pariétaire, ça! Voilà. Ça non plus, c'est pas très impressionnant du même, mais pour nous, c'est très, très le fun, ça. Et on les écoute tout de suite, Vanessa. spéciale. Vince Parietaire avec la pièce Givresse, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou et c'est sur la compilation Les Frères du Son volume 1 que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur lesfrèresdusson.com et il y a aussi la balado diffusion et le vidéo, la version vidéo YouTube de l'entrevue que Les Frères du Son ont réalisé avec Vanessa. Ben on va aller écouter ça. C'est vraiment pro leur affaire, hein? C'est vraiment beau. Parce que... Ouais, leur intro est hallucinante. Hein? Malade. Mmh. Malade. Vous êtes toujours Assemblage Rocky, vous le savez, on vous cachera rien là, quand même, on sera pas des cachettes ici. Là. Hein? Tu sais. Ça va nulle part tout ça. On va écouter une pièce du groupe Mono Stereo qu'on connaît pas énormément ici, mais ils sont en prestation ce soir dans le cadre des Francouvertes. C'est la troisième semaine des rondes préliminaires. Donc ce soir, les trois groupes en compétition, c'est Karma Achika et End the Consequence, Mono Stereo et Shampoing. Donc on verra qui de ces trois groupes-là réussiront peut-être à se tailler une place dans les demi-finales. Donc on va écouter nous une pièce de Mono Stereo. On a choisi une pièce un peu au hasard parmi les trois artistes. En fait, Shampoing, on le connaît bien. Il y a eu plusieurs pièces sur le palmarès franco ici. Donc on s'est dit, on va essayer un peu dans la nouveauté. On va aller écouter une pièce du groupe Mono Stereo tout de suite à Assemblage Rocky. Elle s'appelle Derrière ses yeux. Et je me demande si l'émission Assemblage Rocky serait meilleure en mono. Je sais pas si on nous écoutait en mono, peut-être que ça enlèverait tout ce qui est Mathieu Plante, t'sais. Tout ce qui est moi, c'est comme ça se tasserait, puis il y aurait juste toi puis la musique. Peut-être que ça garderait juste toi aussi. Ah, ben ça serait pas très winner, par exemple. On sait pas. On l'essaiera à un moment donné. C'est dans les meilleurs groupes, c'est des Francouverts, c'est ça que ça veut dire, ou c'est les groupes qui participent aux Francouverts? Ben, ils se sont qualifiés, on verra. Toi, tu penses pas qu'ils vont se rendre jusqu'à la finale? Pas sûr. Moi, je suis sûr qu'ils se rendront pas. Cool. On est d'accord là-dessus? Oui! Non, c'est pas fin. Dans le fond, tout se joue sur scène, hein. Des fois, on pense qu'un groupe aura pas de chance, puis c'est eux qui gagnent. Un groupe jamais... de talent, par contre, c'est Bateau Noir. Voici Serpents et Échelles à Assemblage Requis. C'est comme un politicien, tu sais. Si un politicien se met sur la scène ou si un acteur décide de devenir acteur et puis là, joue dans des films, ben, tu sais, il mérite d'être critiqué un peu pareil, t'sais. C'est plate, mais tu te mets dans le public, ben, t'as pas le choix de demander, tu vas faire parler un petit peu contre toi. Ou... Pourquoi tu dis ça? Parce que tu te sens mal d'avoir dit que t'aimais pas le groupe qu'on a entendu avant, qu'on répétera pas. J'aime le fait que t'en reparles en plus. C'est toi qui en. Excuse-moi, Mathieu, mais c'est toi qui en reparles. J'aurais pas fait référence au fait que c'était pour ça. Mais oui, voilà, entre autres. Non, tu sais, j'admets que c'est plate de se faire parler un petit peu contre soi-même. Ben non, quand tu as travaillé fort pour la faire. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'avis que c'est important d'être honnête, de dire ce qu'on pense réellement de quelque chose. Il faut qu'il sache quand même. Ouais. C'est sûr qu'il y a une façon de le dire. Là. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'être méchant. Ben ouais, j'étais peut-être un petit peu méchant. Bon. Puis là, tu te sens très mal. Je trouve ça un peu drôle, moi. C'est pathétique, un peu, peut-être. Mais non. Le mélange entre pathétique et triste, pathétriste. Genre. Tantôt, plus tôt dans l'émission, j'ai fait référence au groupe Power Pops parce qu'on est allé voir Mille Monarques et la formation Bijou avec un X en spectacle à Shawinigan. Oui, toi, tu trouvais que la voix de la chambre, que l'énergie en général de la musique, et moi, je suis d'accord avec toi aussi, l'énergie du groupe, la musique, la voix de la chanteuse aussi, beaucoup ressemble à Power Pops. J'étais d'accord avec toi quand tu as sorti cette référence-là. Et là, pour appuyer ton point, on va écouter une pièce de Horror Pop. Oui, c'est un bon vieux classique gold hit. Ting! C'est fou. Voici Eternal Noise. Un jour, on va la faire. Un jour, on va faire ce petit bumper-là. Ah! give her a smile. Hey, pointed shades, wind on my face. I light a cigarette. Engine is roaring, and roads are steaming. Hearts are glowing, freedom is forever. Angels cannot fall and devils won't be put. We're just gonna drive, skies fly high. No direction, just like Thelma and Louise. Bears left behind, girls on a ride. No cage, just like Thelma and Louise. Music's playing loud, and we're singing along. My best friend and I. Nothing is denied, the sky's our guide, and we cannot be confined, no. Classic Gold Hit! Ding, ding! De C'est fou. Ben oui. C'est fou. C'est relatif quand même, tout ça. On vient d'entendre Thelma & Louise de la formation Horror Pop, ce bon vieux classique de nos palmarès à Assemblage Requis. Et c'est pas mal, malheureusement, la fin de l'émission d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à 15h avec, entre autres, à l'émission demain, la présence d'Émilie Gauthier qui va venir nous parler de plein air, comme à chaque semaine. On va aussi faire un petit tour des nouveautés CD. Et il y aura sûrement une chronique CNX. Oui, Mathieu. Demain, il faudrait bien qu'il y en ait si on veut faire une belle petite émission jeudi matin. Hein? Bon. Sinon, ben, sur nos ondes ce soir, aujourd'hui, il n'y a pas de Donne-moi le goût à 17h, malheureusement, mais on va se retrouver à 18h avec Krautrock. En fait, pas on, mais Simon Fitzbé va vous retrouver là. À 19h, il y a le Voyage insolite avec Frédéric Durand. Et à 22h, c'est au poil pour du métal. Parlant de Simon Fitzbé, ben, soyez là demain matin dès 7h pour la prochaine émission quotidienne. On s'appelle et on déjeune. Puis il y aura un inconnu de partie, évidemment, avec Nick Ducharmy. Nicholas of the Charms. Mais pas de of the Charm, je pense. Et on se quitte avec Colorado. Bonne soirée, à demain, Mathieu. Bye, bonne soirée. Bye. Ah. Son, you've got so much to learn. Yeah.